Le groupe de visite dans la patrie des élèves de l'école supérieure coréenne au Japon, conduite par Chom Myung-ho, proviseur de l'école secondaire et supérieure coréenne à Kyoto, a déposé le discours un bouquet de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il sur la colline Mansu avant de rendre hommage.